encore un putain de sou qui pète grave. À l'écoute, j'écoute les sirènes, les choses évoluent et mon cas s'aggrave. Franchis le pas, protège mes arrières, approche ou pas, et je reste là pour tous mes ennemis qui veulent me voir d'en bas. Mais t'inquiète, mec, je viens déjà d'en bas et je tournerai pas plus bas. Je n'ai qui savent pas que je suis là, ça va péter, les jours ça pètera. On me cache pas, moral si je me parle de là. Rien à foutre, viens pas du FRA. Viens d'autre part, venu chercher des bars, hein, connard. Raconte pas ta vie, mec, parce qu'ils en ont rien à foutre. Et en plus, moi je m'en bats avec 93 mm. Dans le froc, ça vient d'en bas, du sous-sol, des dames, du shit et de l'alcool. Devant leur uniforme, leur couleur non conforme. C'est 93 ou leur GMOND, c'est la conforme. Dans l'hexagone, comme une tribu africaine infiltrée depuis tant d'années. Ça va pas cesser, l'état d'illusion, tu le sais. Le bonheur se verra à la maison et ma parole, c'est pour la mienne, pour mes frères en prison. Ça devient du risqué, ils scellent. Voix rouge, ça devient grave, pour que l'on bouge avant que les choses s'aggravent et tu le sais. Sale bouclin, il ne sert plus à rien de me planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Si toi bien, tu vas payer. Hey, fils de stupide, il ne sert plus à rien de te planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Si toi bien, tu vas payer. Ce sont des victimes qui pour se venger ont un insigne, qui pour parler frappent et disent pas vire pour ne pas dire crime. Ici, policiers et fachos sont synonymes. Mais si je parle de si bien, c'est que ces cons alimentent mes rimes. J'oublierai pas ceux qui sont morts en JAV. Ce morceau leur est dédié ainsi qu'aux familles déchirées. J'oublierai pas ceux qui sont partis à cause de ces mecs là. J'oublierai pas qu'un beau jour ça pourrait être moi. Ce que je dis, tu peux le lire dans mes yeux. À ce qui paraît, les flics nous protègent, mais qui nous protègent d'eux? C'est pour mon coin de France, de ceux qui disent n'est que les flics en force. Notre âge n'est pas une bombe qu'on désamorce. Sache que j'ai un vécu entre mes morceaux. C'est peut-être pour ça que je dis pas souvent que tout le monde il est beau. C'est pour ma vie, les punaises sur scène, mon domaine où domine Boucave et police en civil. Donc je lèverai mon poing comme érudé et comme W brûler le commissariat au 3ème degré. Ce que je rappe, c'est pas pour les provoquer. Je dévoile la vérité, celle qu'ils ont du mal à écouter. Allez, note ma déposition. Que toi ta femme et ta flamme. Je vous prends dans n'importe quelle position. Arrêtez pas question, j'oublierai pas ce deux L à ISRUD. Et je te pardonnerai pas. J'oublierai pas les pics, les gens ont dû quitter. La façon dont les CRS les ont expulsés. Sale bouquin, il ne sert plus à rien de me planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Si toi bien, tu vas payer. Hey, fils de stupide, il ne sert plus à rien de te planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Si toi bien, tu vas payer. Coupable de cette rage sur cette page. Je vois agir alors, ça me fait réagir sans aucune amabilité. Sans aucune pitié, encore moi. Pour ces noirs rappeurs qui pratiquent ce métier. Chien, pour si peu de fric, sale flic. Toujours là qu'on en a pas besoin. Ça fait les nerfs comme passer des heures en garde à froid. Rien, on t'insère, c'est la misère frère. Mais garde la tête haute, sois brave. Même si c'est pas ta faute et que t'en bave. Je t'assure, faut jamais plus cave. Au moins pour ta fierté. De toute façon, t'en se faire niquer la bague dans sa cité. Cherche pas de pesquis, c'est pas une solution. Ton histoire sera pas finie. Ton nom sera sali, réfléchis. C'est un choix comme moi, je crois qu'en une seule loi. Et c'est pas en celle de l'homme. En tant qu'homme, je la trouve pas bonne. Parce qu'elle n'est pas la même partout sur cette planète. Dans certains endroits de ce monde, des gens pas nets décident de ton sort, toujours de ta mort. Blasphème, parfois j'ai le mort, faire partie de cette race humaine. Conscient qu'il n'y aura jamais d'amour sans zen. Ni de paix, sans respect, petite graine, restons zen. Et se critique, car on aura toujours la gueule du suspect dans ce pays. Négropico, on sera toujours autant niqué au comico. C'est le point rouge braqué sur le front en sarco. Au micro, j'enverrai des CRS à l'hosto. Même cette meuf keuf, voulait jouer la deux chaud. Il ne sert plus à rien de me planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Si toi bien, tu vas payer. Hey, fils de stupide, il ne sert plus à rien de te planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Si toi bien, tu vas payer. Bouquin, il ne sert plus à rien de me planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Si toi bien, tu vas payer. Hey, fils de stupide, il ne sert plus à rien de te planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Tant bien tu vas payer. Bouquin, il ne sert plus à rien de me planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Tant bien tu vas payer. Hey, fils de stupide, il ne sert plus à rien de te planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Tant bien tu vas payer. Bouquin, il ne sert plus à rien de me planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Tant bien tu vas payer. Hey, fils de stupide, il ne sert plus à rien de te planquer. Ce pont rouge sur ton front prouve que je ne vais pas te manquer. Tu respectes, tu m'en as manqué. Tant bien tu vas payer.